De retour à Futur Simple sur CKRL au 89.1, on va faire maintenant un virage à 180 degrés et changer complètement de sujet pour plonger dans le cerveau. Donc beaucoup d'efforts sont mis en œuvre pour développer des techniques d'imagerie médicale afin d'offrir une meilleure connaissance de l'organisme, de permettre un dépistage plus précoce et assurer un suivi des maladies. Depuis peu, les biologistes et physiciens ont allié leurs forces et formé une nouvelle discipline, la biophotonique. Et pour mieux comprendre pourquoi et comment cette discipline émergente bouleverse aujourd'hui les sciences de la santé, notre chroniqueuse Morgane Lemasson reçoit Daniel Côté, qui est professeur agrégé, titulaire de la chaire de recherche du Canada en biophotonique à la Faculté des sciences et du génie de l'Université Laval. Bonjour Morgane, bonjour à Monsieur Côté. Bonjour. Alors, bonjour Daniel. Avant de commencer sur les bienfaits de la biophotonique en recherche et en médecine, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est véritablement la biophotonique ? Oui, la biophotonique, ça vient de l'union de deux choses. Ça vient de l'union de deux sciences. La biologie, d'un côté, qui a des besoins, qui a plusieurs problèmes à élucider, mais qui, parfois, n'a pas toujours les bons outils ou les bonnes solutions. Ouais. Puis, de l'autre côté, il y a les techniques optiques ou les techniques photoniques. Quand on dit photonique, ça vient du mot photon, qui est un peu ce qu'on utilise pour décrire la lumière. Puis, c'est l'ensemble des technologies qui utilisent la lumière. Bien, on appelle ça la photonique. Fait que, mis ensemble, la biophotonique, c'est l'ensemble de tous les outils qu'on peut développer pour diagnostiquer, imager ou traiter les problèmes biologiques ou les tissus. Donc, en fait, ça va servir à la fois en recherche et en médecine. Oui, tout à fait. C'est ça. Parfois, c'est des outils qu'on utilise pour mieux comprendre. Puis, des fois, c'est des outils qu'on utilise en médecine directement, c'est-à-dire en diagnostic et en traitement. D'accord. Et à l'heure actuelle, notamment en médecine, c'est très difficile de suivre l'évolution des maladies avec précision. On a depuis 20 ans recours à des techniques très performantes comme l'IRM, qui est l'imagerie par résonance magnétique, l'imagerie par émission de positrons ou encore l'imagerie à rayon X, qui permettent en fait de voir des zones, des grandes zones, des zones immenses et de façon grossière. Comment la biophotonique peut-elle nous permettre de travailler à l'échelle de la cellule et surtout comment on va pouvoir distinguer un type de cellule sur lesquelles on veut travailler parmi tant d'autres? Ah ben, il y a plusieurs éléments de réponse là, dans la question. Donc, en premier, c'est vrai, il y a plein de techniques que les gens connaissent. L'imagerie par résonance magnétique, c'est utilisé pour voir, on peut voir le cerveau, on peut voir les os, on peut voir plein d'organes. Puis, en même temps, l'imagerie qui est un peu moins connue, là, par émission à positrons, c'est une autre technique qui permet de voir, en fait, du métabolisme. Ça permet de voir comment fonctionne le cerveau, par exemple. Puis, les rayons X, bien, tout le monde connaît les rayons X. On se casse un bras, on se casse une jambe, on prend un rayon X, ça voit très bien les os. Bien, justement, en fait, c'est que l'IRM, l'imagerie par positron, puis l'imagerie des rayons X, ça voit très bien certaines choses, mais ça voit pas si bien que ça d'autres choses. Dans les détails. En exactement. Fait. Quand on veut voir des tout petits détails, on veut voir des petites lésions dans les os, des petites lésions dans les tissus, des petites lésions dans le cerveau, bien, c'est là qu'on a besoin un peu de sortir notre loupe. On a besoin de regarder près, on a besoin de regarder petit. Puis, la lumière, bien, pour ça, c'est extrêmement approprié parce que c'est très sensible. Si on s'imagine, si j'essayais de vous faire deviner, tout le monde a joué un peu à Noël, là, le jeu du cadeau où il faut essayer de deviner ou de le déballer avec des gants de boxe, bien, c'est difficile parce que les gants de boxe, c'est pas la bonne chose pour ouvrir une boîte à cadeaux. Bien, on s'imagine que regarder le cerveau avec des gants de boxe, c'est pas nécessairement bien si ce qu'on veut voir, c'est les détails. Si on veut savoir si c'est une tête, oui, ça va bien. Mais si on veut voir les détails, ben, faut sortir nos tout petits gants puis nos tout petits outils. Puis pour ça, les lasers puis la lumière, ça va très bien parce que ça peut voir petit. Puis c'est très sensible. On peut s'imaginer là que c'est vraiment un petit doigté là très délicat. Ça voit très bien une cellule. Puis ça voit très bien des petites choses, des petits vaisseaux sanguins, des petits éléments de tissu. Tandis que le rayon X, l'IRM puis le PET, c'est plus grossier. Ça voit beaucoup, mais ça voit gros. Les lasers, ça voit peu, mais ça voit bien petit. Et quand vous parlez de lumière, en fait, vous ne parlez pas seulement de la lumière visible, hein, les lasers... C'est vrai. Quand on parle de lumière, on utilise des termes quand même assez larges. La lumière, ici, on va dire, la lumière, tout le monde connaît la lumière du soleil, c'est de la lumière visible, mais il y a aussi de la lumière qu'on voit un peu moins, qu'on voit pas, de la lumière invisible comme de la lumière infrarouge, ou même de la lumière qui est beaucoup plus bleue, qui est ultraviolette. Fait quand on nous parle de biophotonique, c'est pas juste ce qu'on voit. C'est souvent ce qui est plus spectaculaire puis qu'on va utiliser, mais on inclut vraiment toutes les sortes de lumières, incluant celles qu'on voit souvent pas. Et donc, vous êtes enseignant-chercheur à l'Institut en santé mentale du Québec et vous travaillez spécifiquement sur le cerveau, donc pour développer des outils de diagnostic. Et notamment, vous travaillez sur une maladie qui est la sclérose en plaques. Est-ce que vous pouvez nous définir un peu ce que c'est? Oui, la sclérose en plaques, c'est une maladie dégénérative qui fait que les gens ne meurent pas vraiment de la sclérose en plaques. Les gens, doucement, malheureusement, deviennent paralysés partiellement de plus en plus à mesure que la maladie progresse. Parce que même si le cerveau est capable de dire au reste du corps, s'il vous plaît, bouge ta main, le cerveau fonctionne très bien, ou bouge ton bras, bouge ta jambe, le signal se rend pas. D'accord. Donc, on veut contrôler le corps, mais le corps réagit pas. C'est une paralysie. Ça apparaît comme de la paralysie ou de l'hésitation dans les gestes. C'est aussi, ça c'est la partie, disons, plus évidente, mais c'est aussi ça veut aussi dire que les sensations qui partent des membres ne se rendront pas nécessairement au cerveau. Donc, de plus en plus, c'est une perte de fonctionnalité pour les gens. Et on sait à quoi est dû ce problème de signal. Pourquoi le signal ne va pas du cerveau jusqu'aux muscles? Oui, on sait c'est quoi, mais on est encore à essayer de le comprendre. Ce qui arrive, c'est que, en fait, tout le monde... On connaît un petit peu les fils électriques là, qui traînent un peu partout. Il y a une petite enveloppe pour les protéger. Il y a une autour des neurones. Exactement. Donc, les neurones, c'est comme les fils électriques. Puis, il y a une petite enveloppe qui s'appelle la matière blanche ou la myéline. Hein, quand la matière blanche, les gens connaissent ça. Bien, la myéline, c'est une enveloppe qui permet d'isoler. Puis, cette enveloppe-là, si elle disparaît, bien, ça devient difficile pour les signaux électriques de se rendre. En fait, on dit qu'il y a des pertes ou on dit que D'accord. le signal, tout simplement, ne se rend pas. Donc, il y a un manque de communication entre les neurones et dans les différentes régions cérébrales et après au niveau du corps. Exactement. Par cette perte de myéline-là, qui est vraiment ce qui est identifié dans la maladie. C'est comme ça que, au niveau médical, c'est comme ça qu'elle est identifiée. Mais on ne sait pas pourquoi ça arrive. Et donc, en fait, la sclérose en plaques, quand on dit maladie dégénérative, c'est on n'a pas une perte cellulaire, mais on a une perte de l'épaisseur de la couche de myéline, de cet isolant. Exactement, c'est ça. Il y a un affaiblissement de cet isolant-là. D'accord. Puis, des fois après, il y a des trous qui se font dans l'isolant. Puis ça, dans les deux cas, un amincissement de l'isolant et ou des trous, ça affaiblit la transmission, puis c'est ce qui amène la paralysie. Et à l'heure actuelle, la sclérose en plaques, j'imagine qu'elle se détecte une fois que les symptômes sont là, c'est-à-dire une fois qu'il y a de la paralysie. Vous, votre enjeu, c'est de développer un outil de diagnostic. Et pour cela, au laboratoire, vous avez mis en place un nouveau procédé dit multiphotonique, c'est-à-dire qui va combiner à la fois des lasers et de la microscopie pour pouvoir suivre dans le vivant, donc dans l'animal éveillé, la diminution de l'épaisseur de la myéline, c'est ça? Oui. Oui, encore une fois, il y a beaucoup d'éléments de questions et d'éléments de réponses là-dedans. C'est que oui, en fait, la grande difficulté, c'est que puisqu'on ne sait pas pourquoi cette myéline-là disparaît, bien, on veut étudier les débuts, les signes les plus précoces de la maladie. Puis qui dit précoce, dit petit. Donc, on veut voir des petits détails, bien... Donc, on revient que les techniques optiques, c'est le bon outil pour voir les signes précoces. Mais quand on veut voir la matière blanche, c'est un peu difficile. Puis ce qu'on a fait, nous, c'est qu'en fait, on a utilisé un vieux truc, là, disons, un vieux truc de physique des années 50-60, mais qui n'était pas utilisé pour la médecine, qui n'était pas utilisé à la sauce okay. biologique, disons. Fait qu'on a, ça nous a permis d'utiliser des lasers... des lasers spéciaux, disons, des lasers, on appelle des lasers à impulsion brève, mais on a utilisé des lasers spéciaux qui, utilisés correctement, permettent de faire resplendir la myéline. Puis la myéline se met à émettre de la lumière que nous, on peut voir. Donc, quand on regarde, on prend nos lasers spéciaux, bien, on peut voir la myéline ou la matière blanche ou l'isolant que je parlais au début. Puis on peut commencer à voir, à mesurer les petits détails, mesurer l'amincissement, mesurer, commencer à voir les débuts de lésions dans la myéline. Puis c'est uniquement avec nos fameux outils optiques qu'on peut voir ça, parce qu'on peut voir tôt. Puis la raison pourquoi c'est utile de voir, quand on dit dans l'animal éveillé ou dans les animaux, c'est que ce qu'on veut, c'est comprendre les... Si on regardait une pièce de théâtre, puis on regardait simplement des photos, sans le son, puis juste quelques photos, ça n'explique pas vraiment la pièce de théâtre. Il faut la voir au complet, il faut voir les acteurs entrer en scène, il faut voir les acteurs importants. Il faut comprendre donc la séquence des événements. C'est ça qui est vraiment important. Il faut comprendre la maladie. Exactement. Hein. Oui, parce qu'à l'heure actuelle, ce qu'on peut faire, c'est des biopsies, mais ça donne à tenter le niveau de la myéline sans vraiment comprendre. Exactement, parce que on peut. Film, quoi. C'est ça, on peut exactement, parce qu'on peut prendre une photo, mais une fois que notre photo est prise, c'est terminé. On peut pas avec du tissu qui a été prélevé, on peut plus le regarder évoluer. Puis dans le cas qui est très important ici, c'est que nous, ce qu'on veut voir, c'est que si on peut intervenir très tôt dans le processus, bien, on peut soit ralentir ou même renverser cette perte de myéline-là. Puis c'est avec nos outils qu'on peut justement étudier ces processus-là dès les débuts. Et quand vous en parlez, ça paraît très, très simple. Pourtant, c'est des techniques de pointe que vous avez mis en place et utilisées parce que vous utilisez deux lasers à la fois. Pourquoi deux lasers? Ah, ça, c'est une question très spécialisée. Mais disons que ce qu'il faut retenir, c'est que les techniques optiques ou les lasers, en fait, c'est des technologies bien matures. Aujourd'hui, des lasers, il y en a sur des clés, il y en a sur des... On en achète au dépanneur, là, c'est très simple, là, des lasers maintenant. Donc, nous, on peut bénéficier de des technologies très robustes. Puis, c'est sûr qu'utiliser deux lasers en même temps, là, ça a l'air un petit peu inhabituel, mais disons que c'est comme si nos deux lasers peuvent chanter la bonne note pour faire chanter la myéline. Mais s'il y en avait juste un, ça ne fonctionnerait pas. D'accord, parce qu'en fait, c'est l'action de ces deux lasers sur la myéline et sur les couches lipidiques de la myéline. Qui vont permettre à la myéline de renvoyer une lumière que vous allez pouvoir capter et donc visualiser en rouge. Exactement. Puis dans ce cas-là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il n'y a pas un physicien qui va appeler sa mère pour lui dire « Oh mon Dieu, c'est donc de la nouvelle physique ». C'est en fait de la très vieille physique. Oui. Mais c'est de l'utiliser en biologie qui est plutôt nouveau. Puis on peut le faire. Un, parce que c'est vrai que c'est une bonne idée de le faire, mais aussi parce que la technologie est prête. Oui, parce qu'on dit que c'est une discipline émergente. Pourtant, la physique, l'optique existait depuis très longtemps, la biologie aussi. En quoi c'est émergent? Est-ce que c'est si nouveau que ça? À quoi on s'intéresse, là, on pourrait dire que ça peut remonter dans les années 1800, mais il y a quand même eu des grands succès, disons, aussitôt que les lasers ont été inventés dans les années au milieu des années 50, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à vouloir les utiliser pour les communications, pour plein de choses, pour étudier les matériaux, mais aussi un petit groupe de gens barbus plus bizarres que eux ont dit ah non, on va utiliser ça sur des tissus humains, puis on va essayer de remplacer le scalpel, on va essayer de diagnostiquer les maladies, on va essayer de traiter les maladies. Puis ça, c'était très marginal dans les années 70, mais ils ont eu des très bons succès, il y a une anecdote qui date des années 70, qui, aux États-Unis, il y a deux pionniers quand même de la biophotonique, Rox Anderson puis John Parrish, étaient médecins tous les deux, puis ils ont soigné une dame du psoriasis avec des lasers. Puis la dame était particulièrement aisée, puis a donné une fortune, puis ils ont fondé un centre de biophotonique aux États-Unis, à Boston, qui est devenu un pionnier, qui a inventé plusieurs techniques, en particulier l'épilation laser, qui est très connue aujourd'hui, qui a amené encore plus d'argent au centre de recherche. Mais donc, déjà dès les années 70, il y avait des succès. Mais c'est devenu plus, disons, populaire avec les chirurgies pour l'acuité visuelle. Oui, la cornée, érosion, enfin, le laser est utilisé pour amincir la cornée pour l'acuité visuelle. Oui, c'est ça, exactement. Donc, il y a quand même, on peut regarder, c'est vrai que c'est émergent aujourd'hui parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a énormément de défis ou de problèmes pour lesquels il n'y a pas de solution en biologie. Puis souvent, l'optique n'a pas la réponse à tout, mais peut amener une partie de réponse ou peut bien travailler avec d'autres techniques. Puis c'est vraiment cette force-là, c'est la flexibilité de l'optique qui permet aujourd'hui de l'utiliser à plusieurs sources. D'accord. Et pour revenir à vos études, alors, vous avez testé votre procédé multiphotonique sur des souris qui développaient la maladie, la sclérose en plaques. Est-ce que vous l'avez fait sans aucune chirurgie, sans rien ou Ah non, c'est ça. Ça, c'est vrai. Quand on pense à l'IRM puis au rayon X, on voit à travers les tissus. Oui, c'est ça. Mais si on était capable de voir à travers le corps humain, bien, on serait transparent. Donc, clairement, la lumière ne peut pas rentrer dans le corps humain facilement ou dans l'animal. Donc, souvent, on fait des tout petites incisions, vraiment tout petites, puis on peut soit venir avec des tout petits lasers ou même avec des fibres optiques, mais on peut amener la lumière. C'est relativement facile d'amener la lumière au point où on veut. Puis dans le cas qui nous intéresse, nous, on fait d'une toute petite, vraiment minuscule chirurgie pour regarder la partie supérieure de la moelle épinière. D'accord, vous mettez à jour la moelle épinière, vous envoyez le laser à ce niveau-là, et ce qui vous donne... C'est ça. Et donc l'animal est réutilisé, enfin, oui. Est vivant, tout oui. va bien, oui, et donc vous suivez l'évolution de la maladie chez un même animal. Exactement, c'est particulièrement critique et essentiel dans le... Dans ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'on veut voir son évolution précoce. Ça ne se ferait pas sans les outils qu'on a. Et alors, l'avez-vous vu? Oui. En fait, quand on regarde avec les outils qu'on a réussi à développer, on se rend compte qu'on est capable de voir des signes très, très précoces dans la moelle épinière de démyélinisation ou de perte de l'isolant. Qui est le symptôme de la sclérose. On peut voir ça très tôt quand il y a même à peine de symptômes, disons, physiques chez les animaux. Et ça, c'est la première fois qu'on voit ça. Hein? Oui, c'est vraiment, disons, une première qu'on pourrait dire, oui. Et pour passer, les souris sont assez petites et puis bon, on peut faire des chirurgies, mais pour passer à l'homme, pour développer cette technique au niveau médical, dans l'utilisation en médecine, qu'est-ce qu'il nous faut? Vous avez parlé des fibres optiques, enfin, est-ce que c'est dans le vent? Oui, exactement, c'est les... Comme j'essaie de répéter depuis le début, les techniques optiques sont matures. Donc, on a, nous, les gens qui sont plus du côté de la biophotonique, c'est comme si on a notre magasin, on a notre Canadian Tire, de tous les trucs optiques qu'on peut aller voir, des fibres optiques, il y en a plusieurs sortes, il y a plusieurs lasers qui sont développés. C'est toutes des technologies auxquelles on a accès relativement, c'est des technologies matures. Mais nous, cette robustesse-là, puis cette flexibilité-là, on peut l'utiliser pour justement amener la lumière de façon locale, exactement, profondément, par exemple, dans un cerveau. Si on voulait aider, si on voulait utiliser les techniques optiques pour comme aide à la chirurgie, par exemple, on pourrait amener une fibre optique pour regarder au bout des outils chirurgicaux pendant des chirurgies difficiles, comme par exemple des chirurgies au cerveau. D'accord. Et donc, en fait, il va falloir miniaturiser vos lasers. Ah, ça serait une solution. ou faut prendre des longs bouts de fibre pour mettre le laser, garder le laser dans le coin de la chambre, puis amener la lumière jusqu'au cerveau. D'accord. Donc, on peut penser que, bon, il n'y a pas que la sclérose en plaques qui pourrait être soignée ou diagnostiquée, mais toutes les maladies neurodégénératives et toutes les maladies du cerveau, finalement, grâce à ce procédé-là. À partir du moment où on trouve la façon de visualiser les bonnes cellules. Exactement. Puis, c'est là où, en fait, encore une fois, la lumière ou les techniques optiques ont une richesse que certaines autres techniques ont moins ou ont pas. C'est que, on parle souvent qu'il y a plusieurs couleurs, donc il y a plusieurs saveurs. On peut voir la myéline, on peut voir d'autres sortes de cellules, on peut voir les vaisseaux sanguins, on peut voir certaines cellules inflammatoires. Il y a plusieurs choses qu'on peut voir avec les lasers. Donc, c'est comme si on voyait le tissu du cerveau en couleur. On le voit, on voit plusieurs choses différentes dépendamment de quelle sorte de laser on utilise. Puis ça, c'est quand même une richesse assez importante parce que ça donne, encore une fois, une vision globale de plusieurs joueurs importants. Mais en plus, ce qui est important, c'est que quand on étudie le cerveau, c'est délicat. Je ne veux pas dire que les autres tissus ne sont pas délicats, mais par exemple, des biopsies du sein ou des biopsies de la prostate, c'est désagréable, certes, mais c'est possible. Une biopsie du cerveau, c'est possible en cas extrême. C'est que dans les cas de cancer avancé, ça va être possible. Mais le plus possible, on veut préserver le cerveau. Puis de plus, même si on prenait une biopsie du cerveau, ce qui nous intéresse souvent, c'est pas seulement la position des cellules ou la nature des cellules, mais leur communication avec le reste du cerveau. Donc, la biopsie, non seulement n'est pas souhaitable, en plus, elle ne voudrait pas dire grand-chose si on l'avait, parce que ce qu'on veut savoir, c'est la partie fonctionnelle du cerveau. Donc, avec les techniques optiques, on peut voir petit, on peut voir de façon non-évasive, puis on peut voir rapidement plusieurs choses. C'est quatre choses importantes pour les maladies du cerveau que l'optique peut amener, donc peut commencer à amener des pistes de solutions dans les problèmes en neurosciences. Donc, si j'ai bien compris, en fait, toutes les anciennes techniques comme l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique et tout ça qui permettent de voir à grande échelle, et l'optique serait complémentaire parce que certaines maladies, on a besoin de voir un organe au complet, alors que là, ça va être au niveau cellulaire, mais ça va dépendre du type de la maladie, non? Exactement, ou du stade de la maladie. Oui. Ouais. Puis c'est exact, c'est parfaitement bien dit. Les techniques sont complémentaires. Ils donnent une vision différente de la même pathologie ou du même problème, mais à différentes échelles. D'accord. Et donc, ma dernière question, c'est, on vient de voir que ces techniques-là vont nous permettre de voir l'état de l'organisme, de faire des diagnostics beaucoup plus précoces et donc suivre l'évolution de la maladie au cours du temps, voire suivre l'effet de certains traitements sur ces maladies-là. Mais est-ce qu'on peut imaginer que ces techniques seraient utilisées pour des choses, pour aller plus loin au niveau thérapeutique, par exemple? Oui, tout à fait. Il y a, comme on disait, on connaît bien les techniques de chirurgie laser pour les yeux, par exemple, qui est une thérapie, c'est une thérapie de l'acuité visuelle, mais il y a aussi différentes techniques plutôt raffinées en cancer, où on peut utiliser, par exemple, en cancer, souvent un des dangers, c'est le dommage collatéral. On peut traiter le patient, mais on va endommager beaucoup de choses autour. Bien, on peut utiliser, c'est utilisé beaucoup, en fait, en cancer de la peau, en particulier un centre en Ontario, au Cancer Institute à Toronto, où on utilise des médicaments qui sont uniquement activés par la lumière. Donc, on les donne, ils font peu de dommages, mais lorsqu'on les active avec de la lumière, bien là, ils deviennent dangereux pour les cellules cancéreuses. Donc, on va seulement illuminer la bonne partie, puis ça va uniquement détruire les tissus cancéreux. Ça s'appelle la thérapie photodynamique. Puis maintenant, de plus en plus, c'est un des bons succès en thérapie pour les techniques optiques. Ah ben, je vous remercie beaucoup, Daniel Côté, pour avoir illuminé nos connaissances. J'espère que vous viendrez bientôt nous parler de ces techniques du futur. Oui, c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup. Merci, au revoir.